L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astronomes américains rapporte l'observation d'une planète géante en orbite autour d'une étoile d'à peine 2 millions d'années. De quoi revoir nos modèles de formation des grosses planètes. L'étoile s'éteint tôt et si jeune qu'elle est encore entourée du disque de gaz et de poussière qui lui a donné naissance alors que les premiers hominidés se redressaient ici-bas. Ceito est une étoile de type T-Tauri. Ces étoiles sont plus froides que le Soleil, avec une teinte orange-rouge, mais plus brillante, car plus volumineuse, n'ayant pas fini de se condenser. Les étoiles T-Tauri sont entourées d'un disque qui commence à s'aplatir et où peuvent se former des planètes. Les astronomes estimaient jusqu'à aujourd'hui qu'une planète géante comme cette Ceito b, dont la masse a été évaluée à environ 11 fois celle de Jupiter, devait prendre au moins 10 millions d'années pour se former. Le système de Ceito se situe assez près de nous, à 450 années-lumière, dans la constellation du Taureau. Ceito b a une période orbitale de 9 jours autour de son étoile. Elle a été détectée par la méthode de la vitesse radiale, qui consiste à observer les variations infimes de vitesse périodique de l'étoile qui trahit la présence d'une planète. Il faut dire que la détection de planètes autour d'étoiles très jeunes n'est pas aisée, car ces étoiles sont le plus souvent très actives, connaissant de grosses variations de champ magnétique, avec la présence de nombreuses et vastes taches à leur surface, qui peuvent mimer la présence de transits de planètes. L'article de Christopher John Scroll de l'université Rice et ses collaborateurs est très fourni, s'étendant sur pas moins de 61 pages dans la revue The Astrophysical Journal. Cette découverte est le fruit d'un long travail de relevé astronomique commencé en 2004 sur 140 étoiles candidates, toutes situées dans la riche région de formation d'étoiles nommée Taurus Auriga. L'équipe d'une douzaine de chercheurs a effectué des dizaines d'observations avec le télescope de l'observatoire McDonald de Austin, dans le Texas, ainsi que celui du Lowell Observatory dans l'Arizona, mais aussi sur le Infrared Telescope Facility du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et sur les télescopes de 2,1 et 4 mètres du Kitt Peak et enfin sur le Keck 2 à Hawaï. Après la première mise en évidence de la présence d'une planète par les mesures de vitesse qui a pris plusieurs années, il aura fallu encore 5 ans d'observation en infrarouge pour définitivement exclure la présence de phénomènes parasites pouvant mimer le signal attendu. C'est la première fois que l'on découvre une aussi grosse planète en orbite d'une étoile aussi jeune et qui est encore entourée des résidus de son « cocon » entre guillemets, sous la forme d'un disque de gaz et de poussière. Et Christopher John Scroll annonce que son équipe n'a pour le moment que dépouillé la moitié de l'échantillon d'étoiles en formation, ou très jeune, qui était étudié. Il pourrait, selon lui, exister encore de nombreuses planètes à trouver dans le groupe Taurus Auriga. La formation d'une planète géante comme Ceito b, aussi près de son étoile, devrait avoir un impact très important sur les planètes rocheuses qui devraient s'y former également. Elle apporte en tout cas de fortes contraintes sur les modèles de formation des planètes et les échelles temporelles de migration qui peuvent avoir lieu. Cette observation sera probablement une clé pour comprendre l'évolution des exoplanètes en général et pour déterminer la prévalence de ces systèmes. Les chercheurs soulèvent par ailleurs une énigme qui pourrait être élucidée parallèlement à leur recherche systématique de planètes autour d'étoiles jeunes, qui est la grande rareté des naines brunes, ou Jupiter chaud, entre guillemets, ces objets qui se trouvent entre très grosses planètes et petites étoiles. Ils pourraient parvenir à trouver par leur méthode plus de naines brunes à courte période orbitale que partout ailleurs, ce qui confirmerait une théorie en vogue qui dit que les naines brunes ont tendance à fusionner avec leur étoile seulement quelques millions d'années après leur formation. Mais c'est certainement une autre histoire. L'article de Christopher John Scroll et ses collaborateurs va paraître très bientôt dans The Astrophysical Journal. Il est accessible sur le site de Preprint Archive, dont je mets le lien en bas du poste. Le titre de l'article est le suivant. A candidate young massive planet in orbit around the classical T-Tauri star Cygnus. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr avec des tirets entre les mots. Le blog où l'univers des étoiles jeunes se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, comme toujours, sur iTunes et toujours aussi sur podcloud.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, bon ciel, salut !